Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 8 juillet 2017. Voici quelques titres de ce journal. La Commission de l'Union africaine insiste auprès du gouvernement burundais, auprès de la médiation et auprès de l'ensemble de la communauté internationale pour que le dialogue enclenché à Arusha puisse être le plus inclusif possible afin de trouver une issue à la crise burundaise. C'est le président de cette commission qui l'a dit sur RFI lors du dernier sommet des chefs d'État africains. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le corps d'un certain Anissé Naoundéréyé vient de passer un mois à la morgue de l'hôpital Mouranvia. Avant son enterrement, sa famille exige d'abord l'arrestation des présumés auteurs de son assassinat. Et puis, les équipes Messager Ngozi et Olympique Star de Muyinga jouent ce samedi à Muyinga la finale pour tenter de décrocher chacune la coupe du président. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, le président de la Commission de l'Union africaine estime que la seule voie de sortie de crise au Burundi, c'est un dialogue sincèrement inclusif. Moussa Faki Mahamat demande au Burundi de tout faire pour parvenir à un consensus, pour reconstruire le pays à travers le partage du pouvoir ou alors en passant par un gouvernement de transition. Le président de la Commission de l'Union africaine s'exprimait en marge du dernier sommet des chefs d'État africains. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Il y a à l'évidence un problème au Burundi et la communauté est-africaine est en charge du dossier. L'ancien président de Tanzanie, président Paka, le président Museveni de l'Ouganda ont été chargés de la médiation et de la facilitation d'un dialogue entre les parties. Ce qui importe le plus, c'est qu'il faut que ce dialogue soit inclusif et effectif et le plus rapidement possible. Dernièrement, il s'est tenu en Tanzanie un sommet de la communauté est-africaine. Je crois que des dispositions ont été prises. Et nous, au niveau de l'Union africaine, nous insistons auprès et du gouvernement burundais et de la médiation et de l'ensemble des États de la région de faciliter et d'engager le plus rapidement possible un dialogue et il doit être inclusif. Je pense qu'il n'y a que par cette voie, de toutes les façons, des crises africaines et particulièrement comme celle du Burundi ne peuvent jamais trouver une solution militaire. Il faut obligatoirement faire toute la pression nécessaire pour que les parties se parlent et dégagent de consensus. Que ce soit un partage de pouvoir, que ce soit des transitions. En tout cas, il faut des solutions originales et qui correspondent au contexte des États. Voilà, c'était le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Et le parti APDR demande au leader du parti au pouvoir de modifier les messages véhiculés par les monuments du parti CNDD-FDD construits de part et d'autre. Le président de ce parti considère que certains messages sont grossiers et devraient être remplacés pour lui en vue d'une bonne marche vers les élections de 2020. Gabriel Banzaou-Witonde plaide pour la mise en application de la promesse de changer ses slogans qui avait été lancé par le secrétaire général du parti au pouvoir. Suivez Gabriel Banzaou-Witonde au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Nous d'abord nous félicitons le parti CNDD-FDD, le construire des monuments. Ça montre la préparation pour les élections 2020, mais en clin d'œil ou bien comme un conseil, il y a les gens qui construisent ces monuments, mais qui malgré mon grossier, qui peuvent être une entrave vers les élections 2020. C'est pourquoi nous demandons le commissariat chargé de la culture de faire tout possible, de sortir au moins des slogans, afin que chacun qui va construire ce monument va tirer dans les slogans émanant du commissariat national chargé de la culture et aussi que ces mots doivent être quand même un mot constructif, un mot de tolérance, des mots qui donnent des conseils, des mots du pardon. Nous voulons que les choses dites doivent être faites. C'est le secrétaire général qui a dit quand même de changer là où on a écrit jusqu'à maintenant. Les choses sont inchangeables. Il faut pourquoi nous plaidons quand même que ces choses soient changées. Au moins, nous sommes en train de se préparer pour les élections 2020. Avez-vous au moins approché le secrétaire général du parti au pouvoir pour lui soumettre vos préoccupations? Quand nous étions à Kayanza, dans une retraite organisée par l'Ombudsman, j'ai donné son clin d'œil. Il était là, je pense qu'il a attendu bien. Je dis quand même qu'il faut changer pour que les élections de 2020, puisque c'était l'occasion pour les politiciens de dire toutes les entraves, en fait, de les arriver vers les élections de 2020. Alors je souligne quand même qu'il faut voir que demain, bien après demain, ne sera pas pour les uns ou bien les autres de mobiles, de boycotter les élections de 2020. Au niveau du parti CNDD, UFDD, on dit qu'un mot d'ordre a été donné, qu'il sera respecté. Nancy Ninette Moutoni, conseiller chargé de la communication au sein de ce parti, rassure que les monuments du parti au pouvoir, construits dans des places publiques, seront démolis et les écrits qu'ils portent, qui inspirent la peur, seront effacés conformément à la parole du secrétaire général du parti. On l'écoute, il répond aux questions de Joseph Sabiyabanti. Je dois vous éclairer l'opinion que toutes les mesures ont été prises et qu'ils sont en train d'être exécutés sur toute l'étendue du territoire national, et cela dans le strict respect des lois et règlements de la République. Donc, ce que le secrétaire général a dit a été suivi, et les monuments du parti qui ne remplissent pas les normes ont été reconstruits autrement, et les messages qui blessaient certaines opinions ont été changés. Et cela, c'est un processus, bien sûr, parce que ça ne va pas se faire en une journée, en deux jours, mais c'est déjà enclenché, et en tout cas, nous avons des rapports chaque jour avec nos représentants dans les provinces, et ça marche, et ça marche, et la décision est en train d'être exécutée. Est-ce que vous avez des exemples qui prouvent finalement que la parole du secrétaire général du parti CNDD-FDD a été suivie des faits? Ah oui, mais est-ce que vous avez des exemples qui prouvent le contraire? L'exemple le plus frappant, c'est ces partis qui commencent à dénoncer cela. Mais ces partis n'ont pas de faits objectifs. Est-ce qu'ils vous ont apporté des preuves? Et s'ils ont des preuves, c'est cela que j'allais dire. Je vous dis que s'ils ont des preuves que cela n'est pas en train d'être fait. Nous avons un cadre entre partis politiques, nous nous rencontrons très régulièrement, nous échangeons, il n'y a aucune question qui est taboue. Ils peuvent aussi amener la question sur la table, et comme ça, on va voir ensemble. Est-ce que ces cadres-là que vous évoquez ne seraient pas des cadres pour évoquer des questions d'intérêt national et non pas des questions qui concernent uniquement le parti au pouvoir? Non, mais si déjà ce parti se dit concerné par les monuments du parti au pouvoir, c'est déjà que la question intéresse plus d'une personne. Donc, dans le cadre du forum des partis politiques, il n'y a aucune question qui est taboue. Toutes les questions qui intéressent la vie nationale, toutes les questions qui intéressent la vie des partis sont discutées, sans problème, sans faux-fuyant. Et donc, je ne vois pas pourquoi un parti qui aurait un problème avec notre parti ou un parti qui aurait un commentaire à faire à notre parti ne vient pas directement vers nous ou ne va pas directement au forum des partis politiques. Et c'est un cadre très démocratique qui offre une opportunité de s'exprimer et d'échanger fraternellement, sans problème, sans faux-fuir. Donc le parti CNDD-FDD rassure que les monuments qui sont construits dans des places publiques, ils seront démolis et les mots qui ne rassuraient pas seront effacés. Ce ne serait que répéter le mot d'ordre lancé par le secrétaire général. Et puis, nous appelons toujours nos membres d'être des exemples partout où ils sont, dans tous les secteurs du pays. Donc c'est un parti très démocratique qui veut être le pot de flambeau dans le respect des lois, et c'est ce que nous faisons. C'était Nancy Ninette Moutoni, elle est chargée de la communication au CNDD-FDD. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le conseil communal de Rumonge, réuni en sa session extraordinaire de ce vendredi, a décidé de revoir à la hausse les tarifs pour visiter les eaux thermales de Mugara. L'une des raisons avancées est de se procurer des finances pour sauvegarder ce site touristique. Jean-Pierre Misako. Depuis ce vendredi, le conseil communal de Rumonge a fixé à 10 000 francs burundais par personne le tarif qui était à 5 000 francs burundais par personne étrangère au pays qui visite les eaux thermales de Mugara. Pour les Burundais qui payaient 2000 francs burundais par personne, et cela de mardi à dimanche, les tarifs ont été révisés et fixés à 5000 francs burundais par personne, samedi et dimanche, et les jours de congé. De mardi à vendredi, tout Burundais devra payer 3000 francs burundais pour fréquenter ce site touristique, y compris les élèves qui payaient seulement 500 francs burundais. Pour le jour de lundi, qui était réservé aux habitants de Mugara gratuitement, ceux-ci ainsi que tout Burundais devront payer 500 francs burundais par individu de 6h du matin à midi et 1000 francs burundais par individu de 13h à 21h. Ce même jour, les personnes avec des signes de maladie corporelle visibles, comme les plaies, ont de 6h du matin à midi pour y fréquenter et une piscine leur est réservée, leur sera indiquée. Augustin Manirakiza, président du conseil communautaire de Rumonge, explique cette hausse des tarifs par le désir de sauvegarder ce site touristique. C'est en rapport avec le lieu touristique qu'on appelle communément Mashuha, les eaux thermales de Mugara. Et ça, il était question de revoir à la hausse des prix pour pouvoir avoir des disponibilités financières afin de sauvegarder la beauté de ce patrimoine de la commune. Par ailleurs, une position policière permanente y sera placée pour la sécurité de la localité. Après près de 2 mois que ce site est fonctionnel, après son réaménagement, la commune Rumonge a déjà dépensé 500 000 francs burundais pour réhabiliter les infrastructures déjà abîmées lors de ce désordre dans son utilisation, selon Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et le travail d'identification des prochains bénéficiaires des moustiquaires qui devraient être clôturés ce vendredi, a été prolongé d'un jour. Leonidas Nitinhije, représentant l'association Caritas Burundi qui coordonne ses activités, indique que c'est suite à une population beaucoup plus élevée que celle qu'on avait estimée, ainsi que des ruptures de stock répétitives des carnets de bons. Spécialitas Kavanyana. Le travail d'identification des ménages qui vont bénéficier des moustiquaires a commencé en date du 26 juin dernier et devait durer 12 jours. Mais on a été contraint de prolonger ce travail suite à une population beaucoup plus élevée par rapport aux estimations, mais aussi une rupture de stock répétitive des carnets de bons qu'on donne aux gens recensés. Et ce sont ces mêmes bons qui devront être présentés lors de la distribution des moustiquaires, selon Leonidas Nitinhije, représentant de Caritas Burundi, qui coordonne ses activités dans cette province de Bouanza. Ces carnets de bons ont manqué surtout dans les communes de Rugazi et Manda, selon le coordinateur provincial, qui précise que ce problème n'a été résolu que ce samedi. Il ajoute que ce travail d'identification est déjà terminé dans la seule commune de Musigati et qu'il continue dans les 4 autres communes. Les agents recenseurs sont les membres des associations soutenues par Caritas Burundi et qui se trouvent dans toutes les collines de la province. Il reste sur la maison recensée l'inscription Wanyamararia et il reste des bons équivalents au nombre de moustiquaires que recevront les habitants de la maison. Caritas Kavanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, on reste dans cette région pour dire que 3 personnes sont déjà mordues par des chiens errants sur les collines de Gahwazi et Nyamabere. C'est en commune de Mhanda de la province de Bubanza. L'administration communale appelle la population à tuer tous les chiens errants, mais l'administrateur de cette commune déplore le fait que certaines personnes s'y prennent mal en abattant tous les chiens, même ceux qui sont attachés dans les ménages, comme ça a été le cas la semaine passée, où quelqu'un a tué un chien qu'il avait trouvé au domicile de son voisin. Et le corps d'un certain Anissé Naondereye vient de passer un mois à la morgue de l'hôpital de Muramvya. Et cela est dû au fait que la famille du défunt a refusé de l'enterrer avant que tous les présumés auteurs de son assassinat soient arrêtés. Emmanuel Ndayisaba, le frère de la victime, explique que Feu Anissé Ndereye est mort devant le cachot de la police à Muramvya après avoir été passé à tabac par des jeunes qu'il soupçonne d'être du parti au pouvoir sur ordre du vice-président de ce parti à Muramvya. Interrogé à ce propos, le président du parti CNDD-FDD à Muramvya s'est réservé de tout commentaire, disant que l'affaire était devant les instances judiciaires. Le directeur de l'hôpital de Muramvya confirme la présence du corps d'Anissé Naondereye à la morgue de cet hôpital et précise que la famille ne s'y est pas encore rendue pour le récupérer. Et le directeur du lycée communal de Rohingya en commune Mugamba de la province de Bururi loge dans un des cachots du service national de renseignement à Bujumbura depuis le soir de ce vendredi. Ce service, le CNR Bururi, a transféré Jean Bosco Murikiye, selon des sources à Mugamba, confirmées par la police à Bururi. Sa famille demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de suivre de près ce cas. Ce directeur avait été arrêté dimanche dernier après la découverte d'un fusil qui serait utilisé par son domestique. Et 20 ans de prison ferme, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Makamba, siégeant en affaire de flagrance contre Emeline Mugisha. C'était l'après-midi de ce vendredi. Cette femme du chef-lieu de la province Makamba a reconnu avoir tué son mari à coups de poignard la nuit de ce jeudi à vendredi. Et les équipes Message Ngozi et Olympic Star de Muyinga jouent ce samedi à Muyinga la finale pour tenter de décrocher chacune la coupe du président. Les deux formations de football des provinces voisines croisent le fer cet après-midi au stade Umucho de Muyinga. Une œuvre du cinquantenaire de l'indépendance du Burundi devrait être du même coup inaugurée officiellement ce samedi. Radio Isanganiro Chronique. Les Burundais devraient faire la promotion et l'achat des articles conçus et produits localement et ceci pourrait contribuer au développement du pays. C'est un conseil donné par un très jeune styliste burundais de 15 ans. Elle s'appelle Rita Marie-Ange Kundusenge qui a commencé à s'exercer à son métier à l'âge de 6 ans. Elle dessine des modèles et les amène chez les couturiers en utilisant les tissus pagnes appelés kotebu du Burundi. Christian Savier. Son talent de styliste s'est révélé à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, Rita habille tout le monde, tout âge. Je fais des styles pour enfants, pour hommes, pour femmes et spécialement dans les tissus pagne côté bout. Les raisons du choix des tissus pagne côté bout sont multiples. J'ai choisi le côté bout parce que c'était un tissu de bonne qualité, mais aussi ça nous rapproche de nos biens, de nos produits. Ça amène donc une production très vaste économiquement parce qu'il y a les frais d'importation qui seront réduits et les frais d'exportation qui vont monter. Il y aura donc cette croissance économique. Et puis après, c'est une manière d'être fier de notre pays parce qu'en portant donc les habits faits au Burundi, ça aide à faire appel aux investisseurs. Tout débute par une idée, puis un dessin et la suite, Rita nous la donne. D'abord je dessine, puis après avoir fait le dessin, je choisis et je vais acheter les tissus, puis après je les donne aux tailleurs. Ils font donc le travail que j'ai déjà fait. La jeune Rita a déjà montré sa collection et rêve déjà sortie du Burundi pour rivaliser avec le reste du monde. Ouais, j'ai fait mon show, mon événement, c'était le 5 mai. C'était vraiment bien, j'ai eu une grande audience. Et il faut qu'ailleurs on sache qu'il y a une entreprise MA qui fait des habits en côté bout et qui est donc là pour habiller les Burundais et donc les étrangers. Il y a un nouveau projet qui s'appelle We Are Burundi Through MA. Et c'est un projet qui consiste à habiller des personnes uniquement avec le tissu côté bout. Rita concilie les études et son travail de styliste. Elle a besoin de faire connaître ses produits. Parfois, il y a le temps. Je manque le temps pour ça parce que je dois m'occuper de deux choses, des études et le marketing. Il faut d'abord arriver sur les lieux, voir ce que je fais d'abord. Et puis, il faut faire des achats. Il faut diversifier la marque et savoir où on va. Dans la prochaine chronique Art et Culture de samedi prochain, on va parler de la théorie. Comment elle s'inspire et comment elle dessine. Merci Christian Savier. Sans transition, deux nouvelles brèves en actualité internationale avant la revue de presse burundaise. La liste définitive des candidats à la présidentielle du 4 août au Rwanda est désormais connue. Deux candidats d'opposition, dont un candidat indépendant, pourront participer à l'élection face au président sortant Paul Kagame, qui brigue un troisième septennat. Comme l'a annoncé ce vendredi soir, 7 juillet, la commission électorale rwandaise. Seul le candidat indépendant à être retenu, Philippe Mahimana, un journaliste de formation. Il a 46 ans. C'est un quasi-inconnu au Rwanda, pays qu'il a quitté en 1994 pour la République démocratique du Congo, en même temps que des centaines de milliers de Rwandais Hutus fuyant l'avancée du FPR de Paul Kagame. L'autre candidat retenu est Frank Habineza, un transfuge du Front patriotique rwandais FPR. C'est le président du Parti démocratique vert, petite formation d'opposition et la seule autorisée à opérer dans le pays. Sa candidature avait déjà été validée la semaine dernière par la commission électorale en même temps que celle du président Kagame. Les candidatures des trois autres candidats indépendants ont été définitivement rejetées ce vendredi. Et puis en Afrique du Sud, pour la troisième fois dans l'histoire de la médecine, un patient a reçu une greffe complète du pénis. L'opération a eu lieu en avril au Cap et les médecins annoncent maintenant que le patient se porte bien. L'homme de 40 ans a vécu 17 ans sans pénis après avoir été mutilé suite à des complications engendrées par une circoncision traditionnelle. Ces cas sont nombreux dans le pays et les chercheurs espèrent pouvoir multiplier la pratique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François Akimana pour la mise en onde. Tout de suite, vous suivez la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit où vous vous situez. 2020, le compte à rebours, titre le journal Iwachu dans sa rubrique événements. Dans son numéro, Iwachu reprend la photo du président de la République circulant sur le net, exhibant une carte sur laquelle est mentionné le numéro de compte ouvert à la Banque de la République du Burundi, BRB, sur lequel seront déposées les contributions volontaires pour les élections de 2020. Objectif, montrer à la communauté internationale que les Burundais sont capables d'organiser les élections sans devoir faire la manche. Une stratégie pour éviter les défis rencontrés en 2015 où l'Union européenne et les États-Unis, qui avaient promis d'aider le Burundi, se sont désistés une semaine seulement avant les élections. Mais la tâche s'avère dure. Le gouvernement a besoin de 40 millions de dollars américains, alors que jusqu'en 2020, le gouvernement aurait seulement contribué 12 millions de dollars. Selon Pierre Claver-Kazihissé, activiste de la société civile, chercher à organiser les élections sans financement extérieur, c'est s'émanciper de l'Occident en permettant de jauger la volonté qu'ont les citoyens de choisir la démocratie et l'indépendance. Pour un cher Nicolas Guizet, un autre activiste de la société civile en exil, plusieurs personnes vont contribuer par peur de représailles. Dans pareilles circonstances, s'il était encore au pays, il contribuerait pour avoir la vie sauve. Netpress écrit que l'opposition intérieure demande au médiateur de débloquer le dialogue inter-burundais. Il s'agit du FNL Amizero ya Barundi, du Frodebu représenté par l'honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du MRC Rurenza Ngemero, de l'UPRONA Amizero ya Barundi. En date du 3 juillet 2017, ils ont saisi au moyen d'une correspondance le médiateur dans le conflit burundais Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Ils lui ont fait remarquer que depuis plus de 2 ans, le Burundi traverse une crise multidimensionnelle résultant de la négociation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et partant de la constitution qui en est issue. Ces politiciens, à travers ce document de 4 pages, indiquent qu'ils n'ont jamais cessé de dénoncer le manque de volonté politique de la part du président Pierre Nkurunziza, de son parti CNDD-FDD et leurs institutions de facto et s'engager vers une solution durable à la crise. Selon ces politiciens, une attitude de refus de déblocage des institutions du CNDD-FDD est matérialisée par 4 éléments, dont les manœuvres dilatoires du gouvernement durant tout le processus de dialogue, de la démarche de révision de la Constitution, la préparation de la feuille de route pour les élections de 2020 et le rejet du dialogue inclusif organisé à Arusha. Revue de la presse. Netpress écrit toujours que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, a présenté son rapport 2016 à l'Assemblée nationale. Son président, Jean-Baptiste Balibonekeza, a fait savoir que l'année dernière, 340 personnes ont été tuées, évoquant également des disparitions forcées et des tortures. Il a également évoqué les mauvaises relations qui existent entre le Burundi et ses bailleurs traditionnels, dont l'Union européenne, après que cette dernière eut pris des sanctions à l'endroit du Burundi. Malgré cela, cette commission mentionne tout de même qu'une amélioration en matière de respect des droits de l'homme est visible par rapport à l'année 2015, début de la crise politico-sécuritaire au Burundi. Le journal La Voix de l'enseignant dit que les élèves des écoles dites de l'excellence viennent de satisfaire à l'objectif du gouvernement. Excellence dans la réussite en classe par rapport à ceux des autres écoles. L'exemple étant l'école d'excellence du lycée Ngagara. Seulement 2 élèves sur 28 n'ont pas réussi en cette cette fin d'année. Les résultats ont montré que la classe répond au nom de excellence. Sur l'effectif de 28 élèves de la 7e année, seulement 2 élèves n'ont pas eu la moyenne de 50% et 2 autres ont passé les examens de repêchage. La condition était d'avoir plus de 55% de points annuels. Les attentes des ménages déçus, titre le journal Burundi Echo. Alors que Bujumbura Cleaning Company, BCCCO, affirme disposer d'assez de travailleurs et de véhicules pour collecter les immondices et d'autres déchets ménagers dans les quartiers de la capitale, les bénéficiaires de ces services déplorent l'absence de ces derniers. Des sacs pleins de déchets sont déposés devant les portails ou à l'intérieur de parcelles en attente d'enlèvement. Burundi Echo a visité les quartiers de Kamenge et Donyakabiga. Les habitants de ces quartiers lancent en vibration appelle à BCCCO pour qu'elle se dépêche à dégager les déchets ménagers de ces quartiers, à défaut de quoi ils vont recourir aux porteurs habituels. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse écrit que l'adultère et ses conséquences sont visibles ces derniers jours dans la province de Bubanza et plus spécialement dans les communes Manda, Rugazi et Bubanza. Il y a à peine 2 semaines, un infirmier du centre de santé de Muramba en commune Bubanza a été surpris en flagrant délit d'adultère avec sa bonne qu'il avait engrossée et l'obligé à avorter. En commune Rugazi, sur la colline Kibuye, Sevaranzo Habonayo a tenté de se suicider mais a été sauvé par son frère. Il a par après révélé qu'il allait se suicider à cause des menaces de sa femme, qu'il accuse d'adultère et d'engrosser d'autres femmes voisines. Le baromètre habituel du journal Iwachu en hausse vient Larji Ramazani. Pour avoir signé un contrat de 4 ans avec l'équipe anglaise Manchester United, ce jeune footballeur belgo-burundais passera un an chez les réserves avant de rejoindre les professionnels pour 3 saisons. En baisse vient le chanteur congolais Koffi Olomide pour avoir tiré les cheveux de l'une de ses danseuses sur scène lors de son concert au lycée Skepes Donyakabiga samedi 1er juillet. C'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse qui vous était présentée par Pacifique Chubahiro et Alidan Daikeza. Excellent week-end à tous. Revue de la presse.